c'est l'heure de Johnny de A à Z. Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de l'exo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, marche! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric. Je suis très heureux d'être parmi vous, de revenir à cette radio RIG 90.7 sur Bordeaux et le RIGFM.fr sur Internet. Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, on ne sait pas trop qui t'es de vue hein, pendant cette période de confinement. On a continué à la maison, 27 émissions à la maison. Et si on compte un peu, si je vais faire comme Thierry, hein, je me suis arrêté à la 395e émission. Donc maintenant, nous sommes à la 423e. Mais vous allez me dire, et la 400e? Elle est où la 400e? C'est passé. Ben, ce sera pour l'année prochaine. On fêtera les 20 ans de l'émission l'année prochaine. On va faire comme ça. Hein? Je vous apporte tellement de bonheur pendant tout ce confinement, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et je vais vous en apporter encore d'autres pendant jusqu'à la fin du mois de juin. Puisque c'est un retour à la radio, je vais vous proposer un retour à la radio de Johnny Hallyday. Nous allons retrouver Johnny Hallyday lors des grandes parades en 1979 et en 1982. Ça, c'était sur RTL et l'émission était présentée par Michel Drucker. Mais juste avant de partir Johnny Hallyday à la radio, on va revenir légèrement sur l'album, sur l'ensemble Johnny 69 avec le triple vinyle, avec le coffret, avec les 4 CD dedans, avec le Baccarès en vinyle avec Palais des Sports 1969 et ainsi que le gros coffret qui est inclué en plus de ça, le DVD qui était déjà vendu en 2006. On va écouter de cet album-là le titre inédit en quelque sorte. Oui, je sais, d'accord aussi. Hein. On a les démos aussi de Tommy Brown et de Mickey Jones. Ok. On a une adaptation alternative. Oui, ok. D'accord. Mais on les a tous. Hein. Je pense que tous ceux qui écoutent ce soir ont ce coffret Johnny 69, même si c'est un rupture de stock. Oui, nous avons beaucoup de chance de les avoir commandés au préalable. Et en extrait, donc, je vais vous faire écouter de suite. Vous la connaissez, bien entendu. Hein. Peut-être, non, vous allez peut-être la connaître par cœur. C'est le titre La Nuit avec moi, et juste après La Nuit avec moi, on va écouter Johnny Hallyday à la radio. C'était sur RTL. Bonne émission à toutes et à tous. Voici Johnny pendant 2 heures. Take 4. Regarde-moi bien, je voudrais bouger. Je suis très heureux, je voudrais hurler. Fais-moi de la place, je voudrais voler. Ne me touche pas, je suis bien comme ça. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Les yeux, je voudrais rêver. Donne-moi la main, je marche au plafond. Montre-moi l'amour, je saurais pleurer. Je sais qu'en enfer on connaît mon nom. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Thank you. sais que tu as peur. Reste avec moi, essaye. Faire assez facile. Quand nous serons ensemble, nous toucherons le ciel. Soulève mon corps, enterre-moi ici. Fais de mon visage un masque qui rit. Tu prendras mes yeux, ce sont des diamants. Fais couler mon sang, ce poison violent. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Hey, hey, circule, hey, le steak. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Hey, je veux quelqu'un pour partager ma joie. Dans la fumée pour la nuit avec moi. On comprend pourquoi le titre n'a pas été sorti à l'époque de l'album Rivière ouvre ton lit. Mais bon, on le redécouvre maintenant. Bon, c'est plaisant à écouter. C'est plaisant. Mais on va pas en faire un fromage, bien sûr. Allez, tout de suite, on va retrouver Johnny Hallyday à la radio sur dans l'émission La Grande Parade présentée par Michel Drucker. C'était le 16 juin 1979, donc le lendemain après l'anniversaire de Johnny Hallyday. Et Johnny donc évoque sa prochaine tournée et puis aussi joue au jeu que va lui proposer Michel Drucker. Autrement dit, un beau petit medley de chansons Johnny n'a jamais chanté auparavant, ou du moins sur scène, il n'a jamais chanté. Allez, c'est parti, Johnny Hallyday et La Grande Parade. J'ai quelqu'un que j'aime. Elle vient de là et elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'elle blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares. Thank you. Dernière idée. Invité exceptionnel de cette grande parade. Je voudrais annoncer à tous les auditeurs que c'est un événement exceptionnel. D'abord, je crois que c'est la première fois dans la carrière que Johnny vient chanter en direct à 7h-ci, avec ses musiciens qui sont venus hier soir, ils sont venus ce matin à 7h. Johnny s'est levé tôt. C'est vraiment très tôt. Oui, c'est très tôt. Tu veux un deuxième café? Et je voudrais également rappeler que dès 2h du matin, il y avait déjà des auditeurs qui, avec des sacs de couchage, dormaient rue Bayard. Je m'excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas pu trouver de place, mais comme vous le voyez, ce n'est qu'un petit studio. On peut recevoir, disons, 150 à 200 personnes, et vous avez été au moins 5000 à nous demander des places. Mais grâce à RTL et grâce à votre transistor, vous allez pouvoir recevoir chez vous Johnny pendant 2h. Ça va mieux? Tout va bien? Oh, ça va toujours. Oui? Est-ce que tu sens sur tes épaules jeunes un an de plus? Ah oui. Oui, ça y est. Depuis minuit, Johnny a 22 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est passé vite tout de même, hein? C'est passé vite ces années. C'est 22 ans? Oui. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour cette année qui commence? Beaucoup de succès, mais ça, tu es abonné au succès depuis tant d'années. Peut-être un grand spectacle à la rentrée. On peut peut-être déjà en parler. Oui, peut-être un grand spectacle à la rentrée, et puis... Un film. Et puis le rock'n'roll, quoi. Et le rock'n'roll, fidèle au rock'n'roll. Bon, je voudrais dire que nous avons modifié un petit peu l'émission aujourd'hui pour permettre à Johnny de chanter le maximum de chansons et pour permettre également au public d'apprécier ces musiciens tout à fait extraordinaires que je vous demande d'applaudir encore. Alors nous allons tirer. Non, on va ajouter quand même avant. Oui. On continue que les arrangements sont écrits par, au trombone, par Jean Costa. Voilà, quoi. Monsieur Costa, c'est juste. Johnny, et c'est la tradition, non, ce n'est pas encore ton cachet. Ce sont les enveloppes qui contiennent des numéros de téléphone destinés à faire gagner la valise RTL. Voilà, on va en tirer 5, voilà. 4, pardon, je ne sais pas pourquoi. Oui, enfin, 4, 5, 5, on peut en tirer 5, Richard Véro, on va essayer d'en tirer 5, voilà. Et dans un instant, nous allons appeler le premier auditeur, après ces messages. Avec une de vos amies, une de ses amies depuis longtemps, vous la connaissez aussi bien que lui, Gabriel. l'invité de la grande parade avec 18 personnes derrière sur scène, les musiciens, les choristes. C'est exactement l'équipe qui accompagne Johnny en tournée régulièrement. Et nous avons réussi la tour de force pour les rassembler sur le studio. Mais Johnny tenait absolument, il m'avait fait cette promesse quand on a fait l'émission de télévision ensemble il y a quelques mois. Il a dit, moi je veux bien venir à la grande parade, mais je chanterai en direct car je ne sais pas mimer les chansons. Entendez, Johnny, fais pas de playback. Et ça n'a pas été facile. Ce sont des musiciens qui vous accompagnent régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne chante jamais de la même façon. Alors, mimer les paroles, alors, c'est pas possible. Il y a... D'ailleurs, le plus bas que ça passe, puis les lèvres, ça vient ou avant ou après. Oui. Alors, c'est pas ça. C'est trop compliqué. Johnny, fête, c'est son anniversaire, mais aussi presque, et même sûrement 20 ans de chanson. Rendez-vous compte, 20 ans, il a commencé au berceau. Johnny, si on te demande comme ça rapidement, ce qui reste comme le plus important de ces 20 ans de chanson, c'est quoi? C'est quelques chansons, quelques succès, quelques triomphes, un Olympien, un palais des sports, qu'est-ce qui reste? Alors, ce qui reste, c'est ce qui va venir. Oui, voilà. La carrière commence maintenant. Eh oui. Exactement. Et vous allez écouter une nouveauté de Johnny Hallyday. J'ai eu la chance, avec le directeur des variétés de notre grande station, Roger Crécher, d'assister hier soir très tard dans un studio de Boulogne à l'enregistrement de cette chanson qui a été terminée pour vous. C'est une grande nouveauté de Johnny que vous entendrez sûrement beaucoup cet été, notamment sur RTL. Ça s'appelle C'est mieux ainsi. On l'écoute et on bavardera avec Johnny après. C'est mieux ainsi. J'avais tout pour devenir quelqu'un, pour filer tout sur le droit chemin. Mais j'avais en moi, je le crois bien, quelque chose en plus. J'ai sorti les archives du placard. On écoute actuellement donc la grande parade RTL du 16 juin 1979. Évidemment, ici, sur RIG, bien entendu. Oui, Michel. Qu'est-ce qu'il y a, Michel ? Vous avez assisté en direct à la naissance d'une chanson. Et bien que Johnny en a enregistré, je sais pas combien en 20 ans. Tu as compté combien de chansons tu as enregistrées ? Des centaines ? Non ? Oui, des centaines. Ouais, des centaines. Bien qu'il en a enregistré donc des centaines, la naissance d'une chanson, c'est important. On a assisté hier en studio, donc à la naissance de cette chanson. Maintenant, Johnny va la mettre sur scène. Et il va hier en studio, tu as assisté à la naissance d'une autre chanson. D'une autre chanson. Celle-là, c'est déjà terminée. Ouais. Celle qu'on va entendre tout à l'heure, donc, que tu as enregistrée. C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu croyais ? C'est une belle chanson qu'on va écouter après. Qu'est-ce que tu crois ? Johnny, le standard a sauté. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ? Le standard a sauté car vous êtes des centaines. Vous pouvez venir les PTT, non, c'est trop tard. Le standard a sauté car les auditeurs, par centaines et par milliers, ont téléphoné pour lui souhaiter un heureux anniversaire. Voilà. Puisque... Oui, carrément. Oui, ça va, oui, ça va, d'accord. Bon. Puisqu'on parle justement d'anniversaire, je voudrais signaler à Johnny, mais je l'avais déjà remarqué quand j'étais venu le voir en Belgique en tournée il y a quelques mois, que le public de Johnny, c'est vraiment maintenant de 7 à 77 ans, je vois des jeunes, et regardez au balcon des jeunes. Comme le journal Mickey. Voilà, regardez, exactement comme le journal Mickey. Regardez au balcon, Johnny, non mais regarde, c'est extraordinaire. Madame, Camille est là, Camille, la dame à lunettes, elle a 94 ans. Bonjour voilà. Camille. Voilà. Oui, d'habitude elle est en bas, alors on l'a mise au balcon parce que c'était un petit peu serré. Et tout à l'heure, vous allez là-bas, elle va se lever et elle va twister sur le temps du rock'n'roll. Car le temps du rock'n'roll, c'est sa chanson préférée. A tout à l'heure, Camille. Johnny Hallyday, l'invité exceptionnel d'une grande parade exceptionnelle en présence d'un nombreux public qui n'a pas pu rentrer, bien sûr. Il y a des centaines d'auditeurs qui sont restés devant la porte. Heureusement, nous avons mis la précaution de mettre des postes de télévision. La prochaine fois, il faudra téléviser en direct tout ça, qui permettra à tous ceux qui veulent voir Johnny de l'approcher, de le rencontrer. Johnny boit un petit coup pour se rafraîchir, se remonter le moral, car pour lui, c'est la... Je vous dis, ça c'est la preuve qu'il n'est pas complexe. Il a commencé à boire sans enlever le bouchon. Ce qui n'est pas la meilleure façon de se rafraîchir. Bois un petit coup, Johnny. Je voudrais vous dire, avant que Johnny soit complètement frais et dispo pour chanter une troisième chanson en direct, que Johnny tient ses promesses. Il avait dit je viendrai, il est venu. Il est venu. Et il est venu en direct. Non. Car vous savez, ça fait quand même 3 ans que je lui demande. 3 ans. Bon, heureusement que je ne lui ai pas demandé alors que j'étais déjà dans le troisième âge, parce que quelqu'un qui lui demanderait, viens, qui aurait 85 ans, viens chanter, n'aurait plus de chance de voir Johnny chanter. Bon, alors allons-y. Une chanson que vous connaissez par cœur, je vois les premiers rangs et les appareils photos qui vont crépiter, elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Ses cheveux blonds serrés dans un chignon mal fait, elle pense à Dieu, c'est quoi, le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un rue restaurant et elle voudra dîner. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Et moi je vais finir cette bouteille de vin en regardant la table, en me tenant dans les mains. La nuit dans le jardin, à compter les étoiles, ça ira mieux demain. Bien sûr, elle arrive à Paris. Elle retrouve les rues, ses parents, ses amis. Je lui donne 3 semaines pour tomber amoureuse. Et devant son miroir, elle est déjà heureuse. Elle m'oublie. à penser à soigner ce cheval. C'est la fin de l'exil, elle m'oublie et j'ai mal. Une grande parade exceptionnelle aujourd'hui avec la présence de Johnny Hallyday. C'est la première fois dans sa carrière que Johnny d'ailleurs vient si tôt, je dis bien si tôt en direct avec ses musiciens, participer à cette émission. Il l'avait promis, il a tenu sa parole. Nous allons maintenant entendre cette chanson dont je vous parlais tout à l'heure qui était terminée pour nous hier. Une nouvelle chanson de Johnny Hallyday. Elle s'appelle « Qu'est-ce que tu croyais ?» pour les paroles de Georges Terme. Écoutez bien. Ça ne marche pas, il préfère ce qu'il rit. Qu'est-ce que tu croyais? C'est une nouvelle chanson de Johnny Hallyday que vous entendrez très très souvent sur l'antenne d'RTL, à la télévision et dans vos villes respectives. C'est une chanson que tu vas mettre donc maintenant sur scène avec tes musiciens. Il faut combien de temps pour qu'une chanson soit bien en place et pour l'interprète et pour ceux qui l'accompagnent? Deux, trois galas? Costa, combien de temps? Costa, il vous faut combien de temps, monsieur Costa? Hein? Des nuits de répétition avant que ce soit en place. Bon, Johnny, puisque... Non, il faut une semaine. Oui, il faut une semaine. C'est une chanson qui n'est pas sans me rappeler un film de Schlesinger, Macadam Cowboy, avec John Voight, qui découvrait la ville, New York, avec Dustin Hoffman. Et votre parolier, monsieur Terme, c'est un garçon que je ne connaissais pas. Georges Terme est un garçon qui n'avait jamais fait de parole pour moi. Il avait fait des paroles, deux, trois paroles pour Sylvie. Et c'est aussi invraisemblable que ce soit, c'est le fils des amis de ma belle-mère. Ah bon? Qui sont marchands de journaux dans le 19e. Ah bon? Et... Je ne sais pas si c'est le 19e, enfin... Peu importe. Et vous avez appris récemment qu'il écrivait, qu'il pouvait faire des textes? Un jour, il a montré des textes à Eddie Vartan en lui disant qu'il aimerait faire des paroles. Et puis, bon, Eddie, comme c'était le fils d'amis à sa mère, ouais. Il a dit bon... Oui, d'accord. Je ne voyais pas beaucoup, mais enfin je jette un coup d'œil. Et puis c'était pas mal du tout. Et puis après il a fait des paroles, c'était très bien. Eh bien voilà, ouais. Comme quoi vous voyez, il ne faut pas désespérer. Ceux qui veulent un jour placer leurs chansons à des chanteurs, ben ça arrive, hein, même qu'on n'est pas de la famille.

Maintenant, la dixième, n'est-ce pas? Avec tes musiciens? Il faut faire gagner ces ah oui, c'est absolument. Charmante blonde. Tant qu'à être ridicule, allons-y tout de suite, allons-y. Bon. Bon, alors, est-ce que tes musiciens... Je suis accompagné par tes musiciens? Ben oui. Vous allez me faire, s'il vous plaît, deux tons plus bas. Oui, deux tons plus bas, oui, au moins deux tons plus bas. Au moins deux tons plus bas, oui. J'ai oublié de vivre. Mais oui, Johnny, je vais te faire ça. Oui. Bon, c'est un fa, hein? Bon, y a-t-il quelqu'un qui m'aime dans la salle? Bon. Tu m'aimes, hein? Force de briser. Oui. À force. Attends que ça commence. Oui, d'accord, mais tu m'aimes, hein? Tu m'aimes. On y va? Oh, ouais. Vas-y. Oh, ça c'est émouvant, ça. Qui m'a bien me voyait. Avec tous les musiciens de Johnny Monroe. À force de briser. On y va? À force de briser. Non, attends, attends. Non, je me fais la voix. C'est passé ou quoi? Alors allez-y. Allez. Je démarre au top. Costage, démarre au top. T'as poids sur l'épaule, hein. À force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. Bravo. Eh bien, bravo. Bon, 10 sur 10. 10 sur 10. Hein, 10 sur 10, grâce à qui, hein? Bon. Eh bien, nous allons maintenant terminer cette grande parade avec celui qui en était l'invité exceptionnel. Et avant de l'entendre, je voudrais vraiment remercier tous les musiciens de Johnny et tous les techniciens d'RTL qui ont travaillé très tard cette nuit et qui étaient là ce matin à 8h. Toute l'équipe de Claude Char, de la grande parade, des techniciens ont beaucoup travaillé. Et je voudrais vous signaler qu'au milieu de cet orchestre de Johnny, il y avait un jeune dont c'était le baptême aujourd'hui. C'est un nouveau musicien de l'orchestre. C'est la première fois qu'il accompagnait Johnny. C'est ce monsieur à la basse. C'est monsieur Rémi Delanaise. Voilà, le baptême du feu est fait. Alors, on y va. Le bon temps du rock'n'roll. Johnny Hallyday. Vous écoutez une émission de RTL, certes, mais vous l'écoutez sur l'antenne de RIG 90.7 Amand FM, RIGFM.fr. Et l'émission Johnny de A à Z. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole, tout comme au bon vieux temps du rock and roll. J'ai une digestion de disco et toutes ces couleurs qui me tapent sur les nerfs. Les réponses, j'en ai vraiment à le bol. Je préfère le bon temps du rock and roll. Caporis. En tout cas, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi RTL nous a accueillis? C'était la grande parade d'RTL retransmise en direct avec un invité exceptionnel, Johnny Hallyday, qui a échappé à ses fans. Merci encore, merci à tous. Et bien demain, je vous signale que Johnny est l'invité. Il est le rédacteur en chef du journal inattendu dirigé par Philippe Labro. J'en profite pour présenter nos excuses à Philippe car il va prendre l'antenne avec un peu de retard, mais je crois qu'il aime également Johnny Hallyday. Merci à tous. Ce soir, Johnny est dans le hit parade. Merci à tous, le journal de Philippe Labro. À bientôt, à lundi, bon week-end. Mais bien sûr que Philippe Labro aime Johnny Hallyday, sinon il n'aurait pas écrit pour lui au début des années 70. À présent, ben oui, on va pas attendre demain, hein, on va s'écouter une nouvelle fois une autre émission de Johnny Hallyday pendant une grande parade. Et là, nous nous dirigeons vers le 5 février 1982. C'est sur RTL que Johnny donc démarre sa campagne promotionnelle le jour même de la sortie de son disque Quelque part un aigle. Et les heureux auditeurs ont droit à une interprétation inédite de My Way. C'est vrai qu'on diffuse beaucoup dans l'émission la version de My Way, mais de RMC. Là, vous allez écouter ce soir la version de RTL. Attention, on y va. Voici la grande parade. RTL, toujours présentée par Michel Drucker. Et dans cette émission Johnny de A à Z, on commence l'émission avec le titre « Deux étrangers ». On s'est perdu. Poitras. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. Quelle catégorie, quelle chanson tu choisis, Matt? C'était facile parce que, bon, je connais bien, alors... Tu peux choisir les chansons. Ben, Ne me quitte pas, de Brel. Notre ami Jacques Brel. Ne me quitte pas. Les paroles sont là, voilà. Alors, tu as le choix. Est-ce que tu veux encore une de George? Tu veux Marlène Dietrich, Frank Sinatra, les Beatles? Alors, j'aimerais bien, oui, une Gilles en mer. Mais alors, il y a quelqu'un qui travaille avec moi. Alan, viens ici, te dégonfle pas l'antenne. Bon, attends, il faut expliquer au public qui est Alan. Oui. Alors, Alan, c'est mon ami depuis 17 ans. Il travaille avec moi. C'est lui qui s'occupe de la coordination de mes tournées. Alors... Guitar. sur RIG, non pas sur RTL. On écoute une archive de RTL qui n'ont pas. Voici le pénitencier de l'émission de Julie de AZ. Pénitencier. Qui était donc le 5 février 1982. L'émission fêtait sa millième émission. Ben nous, on n'est pas encore là pour l'émission de Johnny de A à Z. Et Johnny, évidemment, était l'invité d'honneur de cette émission Grande Parade. Le voici tout de suite avec Jean Ménard. Bon, on écoute sur RIG, bien sûr, une archive RTL. Trois fois, et je ne le sais. Vous savez que vous êtes formidable. Et en plus, j'aimerais saluer tous ceux qui sont venus de loin pour passer cette journée avec nous. Merci. On va essayer de s'amuser encore un petit peu pendant le peu de temps qui nous reste. À Michel. Rock'n'roll! émission Grande Parade, la millième Grande Parade du 5 février 1982 est terminée et il nous reste encore un petit peu de temps devant nous. Allez, je vous propose un petit bonus. Et si nous partions toujours du côté de RTL, mais cette fois-ci, nous allons rejoindre Fabrice qui présentait Casino Parade. C'était le 10 octobre 1983 au théâtre Montparnasse. On y va tout de suite. Et bien sûr, vous êtes toujours sur RIG, la radio de Johnny, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Oui! 1983, mais ça fait très 70s. Faites vos jeux. Ah ben c'est mon costume de travail, ça, qu'est-ce que tu veux, ça c'est mon... Alors, c'est mon costume de travail. On va commencer l'émission d'abord, oui. Prendre de bonnes habitudes, oui. On va nous enlever ça. Oui, alors je d'abord le nœud papillon, parce que ça va pas dans cette émission, ça. Hein. Je sens que je vais être nu dans peu de temps, c'est pas... voilà. Oui, très bien. Très bien, oui. Bon, toi, bah, parfait. Est-ce que je continue ou je reste quand même comme ça, alors? Bon, ça va. Bon, ça va, bon. Jolie, je voudrais d'abord te remercier d'avoir choisi RTL pour faire ta rentrée sur scène devant ton public qui t'attend depuis longtemps. Je demanderais simplement quelque chose, c'est que pour chanter, c'est assez difficile, parce que j'entends pas sur scène la voix. Oui. Et j'entendais trop d'orchestre. Alors, bah. Alors on va arranger ça pour la prochaine chanson. Moins d'orchestre, le retour de ta voix sur scène, on va arranger ça, ne t'inquiète pas. Bon, c'est sûr. Il y aura de nombreuses chansons de Johnny, bien entendu. Et je te signale, Johnny, que certains d'entre eux sont là depuis 1h du matin. Pour te voir et pour te retrouver et t'entendre. 9h hier soir. Oh, 9h hier soir, c'est le record, tu te rends compte? Pratiquement plus de 12h, 14h, debout, dans la nuit, pour te voir et te retrouver aussi au Théâtre Montparnasse. Je voudrais... C'est le délire, bien entendu. Je voudrais, Johnny, que tu nous dises pourquoi d'abord nous nous trouvons au Théâtre Montparnasse, parce qu'ici, il y a assez une raison précise. Ben oui, d'abord, on se retrouve au Théâtre Montparnasse parce que... Annie Girardot, qui est une amie à moi. Très bonne amie à toi. Très bonne amie à moi. Il fait un spectacle tous les soirs. Comme vous savez, elle devait être là aujourd'hui. Elle ne sera pas là aujourd'hui, malheureusement, parce que dans son spectacle, elle fait un numéro de trapèze qui s'appelle Le Fœtus. Et puis, samedi, elle est tombée de ce trapèze. Elle s'est fait mal. Elle a été à l'hôpital Cochin. Mais pour tous ceux qui veulent venir la voir, qui ne s'inquiètent pas, elle recommencera son spectacle à partir de samedi prochain. Voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement à Annie Girardot qui nous entend peut-être et qu'on embrasse très fort en attendant de la retrouver sur cette scène du Théâtre Montparnasse. Car je sais que tu es très très très lié avec Annie. C'est toi qui t'es occupé par exemple, je crois, de la salle de la première. C'est une amie à moi depuis 20 ans et puis en plus... Bob Ducou m'a écrit des paroles de chansons, dont Pour ceux qui s'aiment. Oui. Ah oui. Par conséquent, vous êtes extrêmement liés et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à Théâtre Montparnasse. Mais tu es venu aussi avec des amis que nous retrouvons sur scène tout à l'heure, Johnny. Oui, il y a Abel de Rheim, il y a Jean-Jacques Debout. Oui, y a parfaitement. Plein d'amis. Pour un petit bœuf en quelque sorte tout à l'heure, on va faire le bœuf. Et puis nous sommes là parce que Johnny va interpréter Nathalie. Ah voilà, Nathalie. Alors ça, on m'a posé la question. Je veux mon esprit dans l'amour et dans l'amour. Ils m'ont demandé où est Nathalie. Alors je te pose la question, où est alors, Nathalie? Elle doit être quelque part dans Paris en train de faire des courses, hein, j'en suis sûr. Les hommes travaillent et les femmes dépensent, c'est normal. C'est normal, c'est comme ça que la vie s'écoule. Oh non, on dit les femmes au boulot, les hommes au bistrot, enfin quoi. Entendre bien entendu un certain nombre de ses chansons, le Johnny, aujourd'hui. Peut-être. Comment peut-être? On est là pour ça. Comment s'est passé cet enregistrement? Est-ce que tu as des choses particulières à nous raconter? Eh bien, oui, je dois dire que ça s'est très bien passé. Pour moi, d'aller à Nashville, c'est toujours un peu une joie. C'est un retour aux sources. c'est quand même la ville où les musiciens n'ont pas besoin d'écouter d'autres, d'autres disques pour se mettre dans le coup et pour écouter un son. Ils ont le son. Ce qu'on a joué. Ils sont nés avec, avec le son. Il y a, il doit y avoir dans ça. Comme un jour Eddie Mitchell a dit que quand on donnait un coup de poubelle, un coup de pied dans une poubelle, il en sortait un guitariste. Vous voyez. À Nashville. Ah oui, effectivement, c'est un endroit bien occupé. Alors bon. Et puis j'ai entendu tout à l'heure que tu répétais un blues. On en parlera tout à l'heure avec De Redman, je crois, un petit blues. Oui. Façon un peu country blues, un peu blues accompagné américain. Un vrai blues. Un vrai blues. Un blues rock, un blues. Ouais. Un vrai blues en là même, pour ce moment. Absolument. En là. chanson qui a été écrite par Eddie. Je sais que vous êtes et Claude Moine, Dishmol, Dishmol, Eddie, etc., etc. Et lui aujourd'hui n'a pas pu être là parce oui, qu'il tourne un film en commande. Oui. Mais je pense qu'il sera, il sera avec moi dans l'émission de télévision que je vais faire samedi prochain. Oui. On espère qu'on l'affrontera en rendez-vous ensemble. Ben oui, on regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui parce qu'on l'aime bien, Eddie Mitchell, mes enfants là. Bon, Johnny, il y aura quelques jeux, tu le sais, dans cette émission. Des jeux qui te seront d'ailleurs consacrés directement. Ouais, ben non, nous, on ne gagne jamais, nous, les chanteurs. Oui, alors comment vous ne gagnez jamais? Pas juste. Mais si vous gagnez l'estime de votre public, c'est extrêmement important. Alors, quelques instants de repos et tout de suite, on attaque un jeu qui était... Non, pas tout de suite, alors. Non, après. Un repos, alors, c'est bien ce que je disais. Bon, parce que j'entends rien de ce qu'il me raconte là-bas dans sa petite cabine. Quelques instants de repos et ensuite, on retrouve Johnny. Ah camarades fort sympathiques dans ce métier, des musiciens, des chanteurs qui lui écrivent des chansons et qui chantent avec lui, des gens qu'on aime bien et que tu aimes bien particulièrement, oui, le premier. Il y a une chanson d'ailleurs oui. que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, qui est une chanson qui a été chantée avant par son compositeur, auteur. Pour moi, c'est le meilleur chanteur de blues français. Et je suis content de chanter avec lui cette chanson. Et c'est Bill de Rem. Bill de Rem. Bill. Laisse-moi une chance, Bill de Rem. Et je... Stop, on recommence un coup pour rien. Que se passe-t-il? Il y a une panne de micro. Tiens, prends le mien. Prends le mien. Non, bah on va chanter tout. Non, tu veux pas chanter sans le micro. On va chanter sans le même micro. Mais non, prenez le mien. Parce que vous êtes deux, un micro chacun. On a bien, non? On en a un autre tout de suite. On va recommencer. Pourquoi il marche pas? C'est pas parce qu'il est cassé, je sais pas ce qui s'est passé. Qui a tiré sur les fils? Le mien. Le tien, il est bon. Allez. Ok. Vous êtes prêts tous les deux? Un, deux, ouais. Attention, on recommence. Johnny Hallyday et Bill de Rem. Ok. Tu sais, je regrette tout ce que je t'ai dit. T'es la meilleure de toutes les filles. Tous les deux. Casino Parade. Sur RTL, le 10 octobre 1983, au Théâtre Montparnasse, Junaïdé est l'invité de l'émission et c'est présenté par Fabrice. Et là, vous écoutez toujours R.I.G. Tout bien entendu pendant toute cette émission. Alors ça, mes enfants, c'est le vrai blues comme je l'aime, ou alors je ne m'y connais plus. C'est un véritable blues qui vous prend la haute tripe et puis alors ça remonte comme ça, sort. Là, ça. Oh, ça c'était... Tu vois, je regrette de ne pas avoir amené mon tuyau, Johnny. Parce que moi, je joue du saxo. Ah, tu vois, on aurait pu jouer le blues, ça aurait été formidable. Bon, Bill, dis-moi, quelle impression ça fait de placer une chanson, comme l'on dit, à Johnny? C'est quand même la consécration. Ah non, attends, d'abord, suprême, je tiens à dire, il ne m'a pas placé une chanson. Alors, j'ai été voir son passé. Spectacle oui. À l'Olympia. Oui. Et puis, il a chanté cette chanson parmi tant d'autres. Et puis, je partais le lendemain, d'ailleurs, à Nashville, et je me suis dit, cette chanson-là, je vais absolument l'enregistrer. Et puis, je lui ai demandé, il m'a dit, d'accord, c'est tout, ça s'est passé comme ça, tout simplement. Alors, ça fait beaucoup de plaisir. Encore plus extraordinaire, tu te rends compte, il est allé, en fait, et c'est lui, alors, qui est allé te demander une chanson. Encore plus fantastique. Mais... Bon, Bill, en ce moment, raconte-moi ce que tu fais, où tu vas, si tu enregistres d'autres chansons pour Johnny, etc. Ben, en ce moment, je travaille sur des chansons nouvelles, quoi. Oui. Et puis bon, des concerts aussi, mais surtout j'essaie de travailler le prochain album. Mais tu joues un instrument toi-même? Je joue un peu de guitare, quoi, mais très... très amateur. Très amateur, dit-il. Alors... C'est vrai ça, non? Il doit bien jouer de la guitare. Un petit peu d'harmonica, je t'ai vu tout à l'heure esquisser un geste d'harmonie. Ah non, non, non, c'était pour l'ambiance. C'était pour In The Mood. Ah, d'accord. Bill, tu restes avec nous tout au long de cette émission. Allez, Johnny, parce que je pense qu'il y aura d'autres boeufs encore. Avec le boeuf, c'est quand même un moment particulièrement agréable quand les chanteurs se retrouvent et chantent ensemble. Il y aura d'autres duos. Johnny, Bill reste avec nous, bien entendu. Ok? Ben, je suis ravi. À tout de suite. Au Théâtre Montparnasse, dans la vedette aujourd'hui, est Johnny Hallyday. L'amour violent, Johnny. alors après, évidemment, après, voilà le résultat. Après, on fait des bébés. Eh oui. Ce sont des admirateurs à toi, Johnny, qui m'ont donné ceci pour toi. Ce sont des tout petits chaussons en laine. Alors, si c'est bleu, c'est un petit Johnny. Je te le remets. Il vient de me le donner. Ça vient du public. Et alors, si c'est rose, c'est une petite Johnnyte. Voilà. Ah bah, c'est très joli. Merci. Alors, si c'est un garçon, il s'appellera comment? Gary. Gary, si c'est un garçon. Et si c'est une fille? Laura. Bon, bah alors, mes enfants, comme ça, vous savez tout. Johnny, tu le prends. Enfin, je te le mets de côté pour tout à l'heure. C'est important. Nous sommes toujours ici au Théâtre Montparnasse. Deuxième invité de Johnny pour ce Casino Parade exceptionnel aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé à chanter dans ce métier, nous avons fait les tournées, nos premières tournées ensemble. C'est Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout. Bonjour. Vous allez chanter ensemble avec notre trio accompagné par le trio de Casino Parade. Je vous laisse dire le titre, mes enfants, ils vont la reconnaître tout de suite. Vous avez le droit de chanter aussi si vous le voulez, bien entendu. La mère de Charles Trenet. La mère de Charles Trenet, Jean-Jacques Debout et Johnny Hallyday. Bonjour, cher public. Quelle joie pour moi de chanter avec mon ami Johnny Hallyday. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer reflets changeants sous la pluie. La mer à quelqu'un de venir la chanter avec moi, quelqu'un qui m'écrit des chansons, qui chante sur scène avec moi. Oui. C'est Éric Bamy. Est-ce que Éric Bamy est là? Dans les coulisses. Monsieur Bamy. Il était dans les coulisses. Éric, quelques instants. Il n'est pas là? Apparemment, il n'est pas là. Commence, Johnny. Eh bien, alors je vais. Il prendra le. Avec Jean-Jacques Debout. Le train en route. Alors, Jean-Jacques. Mon cher Jean-Jacques. Allez, Jean-Jacques. Ne me quitte pas, il faut oublier, on peut s'oublier, ils ont pu déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures. Do du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'en prierai. Cette chanson, il faut qu'il l'enregistre. Faut que tu les enregistres, ces chansons de Brel. Tu les chantes superbement ah bien. Mais j'aimerais bien enregistrer cette chanson de Brel. Eh bien, aussi, Brel. J'aimerais bien, il faut le faire, ça. Je te jure que tu la chantes d'une façon extraordinaire. Il faut que tu l'enregistres. Bon, chanson suivante. Alors, sur ma vie. C'est admirable. Sur ma vie. Chanson suivante, c'est quoi? Sur ma vie. Sur ma vie. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Bah, c'est un bon jour, alors. C'est un bon jour. Chanson suivante. Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Comment? Oh! Comment? Oh! Alors, une chanson d'un de mes auteurs-compositeurs préférés, c'est Georges Brassens. Une chanson que j'ai chantée quand j'étais plus jeune. Et j'ai d'ailleurs commencé, avant de chanter du rock'n'roll, par chanter du Brassens, c'était Le Petit Cheval Blanc. Il pleuvait... Non, pardon, c'est Le Parapluie. Et voici, après Le Parapluie, Le Cheval Blanc. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un collé sans doute, le matin même à un ami, courant à l'eau, à sa rescousse, je lui propose un peu d'appui. Elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au sens mardi. Merci. C'était le parcours superbe de Johnny Hallyday. Que chante-t-il entre violence et violence? De cette émission de la rentrée de Johnny de A à Z sur RIG avec Johnny à la radio, précisément sur RTL. Voici tout de suite Entre violence et violon. Johnny a été toujours à Casino Parade en 1983. Il y a deux hommes en moi, ennemis l'un de l'autre. Le fou contre le roi, Judas contre l'apôtre. La rage au bout des poings et le cœur sur la main. Aujourd'hui, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, le main. C'est contre moi le rêve et pour moi la révolte. J'ai la paix sur les lèvres et les doigts sur un colt. Je joue avec les femmes, à poker interdit. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Je joue avec les femmes, à poker interdit. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Du bruit bizarre ou des guitares électriques colorait ma mémoire de rêve d'Amérique. Je flottais sur l'Atlantique de Fender en Gibson et je roulais des mécaniques Charlie Davidson. J'allais au Las Vegas, le diable avait 16 ans. Mais pour l'école d'en face, l'enfant est un enfant. J'allais au bout de ma rue comme au bout de ma vie et j'avais tout connu sans avoir rien à l'offrir. J'allais au bout de ma vie comme au bout de la vie, et j'avais tout connu sans avoir rien appris. Il y a deux hommes en moi, l'un prend et l'autre donne. L'un condamne celui à qui l'autre pardonne. Je suis entré en vie côté court un matin et j'espère en sortir en vie. Thank you. c'était un casino parade exceptionnel au terme de Montparnasse. Déjà cette émission de Johnny de A à Z, la rentrée sur la nouvelle rentrée ce 3 juin 2020 ici sur RIG. Mais c'est là où tout a commencé en quelque sorte. Hein. Johnny, c'est de moi cette émission, c'est à la radio, c'est pas à la maison ni en vidéo. Non, non, non. Peut-être qu'on en fera entre temps quelques vidéos par-ci, par-là, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté et participé à cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, un nouveau numéro de Johnny de A à Z. A bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.